J'étais petit, je voyais les choses en grand, je voulais monter d'un cran et par des grands, j'ai pris des grosses baffes, mais aujourd'hui je les rends pas trop coup de poing, plutôt coup de crosse, tu veux t'essayer, plutôt coup de bloc à 18 ans, dans mon anneau, je me suis offert mon premier clos. Je dis des vérités, tu peux le vérifier, ce que j'ai, je l'ai mérité, c'est pas un compte de feu, j'ai vu des choses que je peux pas t'expliquer, c'est compliqué, fais-nous pas le brigandé, tu vas te faire amputer, approche-toi pas, si t'es pas sûr de toi, tu vas reculer. Je suis dans le bâtiment, je vends ma taupe, très capté que je le blesse, maintenant qui c'est qui veut ma peau. Je suis dans mon bloc, je suis mis dans top boy. On s'allie, on se décolle. C'est la loi du plus fort, c'est la loi du plus dangereux. J'ai jamais perdu dans ce jeu, j'ai pas quand on FaceTime. Il me dit que ça galère dans ma cellule. La plupart du temps c'est nul. Je suis rentré, tu m'as même pas vu. Entouré de braqueurs et voyous. J'ai appris, j'ai vu, j'ai vaincu. Sur la A4, je bombe pas. Mon bébé, je suis rapport. Ce soir, on peut pas se voir. Mon agenda est plein. Je roule avec les plans phares. Fais tout à la main droite. Scotché sur la putée. Je suis à ce que t'as je me rappelle comment c'est, aujourd'hui rien n'a fait. C'est le soin les kids ou c'est, et jamais je vais m'apprêter. J'ai grandi dans la cité, je suis un mec classique. T'es dans mon route, t'es dans mon route, j'ai vendu la drogue. J'ai craché des doigts dans mon route, j'ai perdu des potes. Photos j'ai vu flou dans mon route, j'ai fait ce qu'il est cop, fait ce qu'il est menottes. Dans mon route, jamais lâché un frère s'il est des notes. Je suis un, j'ai mal au crâne, je fume la verre que si c'est médicinal. T'es malade, je veux pas te raconter ma life. J'ai peut-être mis des corps à terre, mais jamais chercher la bagarre. Sors le matin, je rentre le soir, j'en connais des tas d'histoires. Toi dis-moi qu'est-ce que tu vas faire. Si tu me cherches, je suis dans mon sport. Je sais que les respectables, que des bonhommes à ma table. Je te vois regarder ma veste, qui coûte plus cher que la poêle. J'en peux fort, je suis foncé. Dès le matin, je suis foncé. J'ai pas pris la grosse tête, je suis resté ce que j'étais. Bande d'enculé, je l'ai fait. J'ai fait match de l'OV. J'ai vu des trucs de fou, je veux même pas t'en parler. Reste là, on est armé, et tout le monde est armé. Je crois que personne n'est parfait. Au fond de moi je suis hargneux. On m'a trop écarté. Ou je me suis écarté. Peut-être bien que je suis plus fort que. Mais je l'ai jamais montré. Je m'en rappelle comment c'était. Aujourd'hui rien à fêter. J'ai le choix liquide c'est bête. Et jamais je vais me la péter. J'ai grandi dans la cité. Je suis un mec de la cité. Dans mon goût. Et dans mon goût. J'ai vendu la drogue. J'ai craché du tout.